cette réalisation-là. On a besoin d'intelligence. Je suis pas pour vous nourrir toute ma vie. J'ai rien quelques années à vous nourrir. Mais un jour, il va falloir que vous vous nourrissiez tout seul.